Elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence, une fine timbale en argent, puis une vaste terrine dans laquelle deux poulets entiers, tout découpés, avaient confit sous leur gelée. Et l'on apercevait encore, dans le panier, d'autres bonnes choses bien enveloppées, des pâtés, des fruits, des friandises, les provisions préparées pour un voyage de 3 jours, afin de ne point toucher à la cuisine des auberges. 4 goulots de bouteilles passaient entre les paquets de nourriture. Elle prit une aile de poulet et, délicatement, se mit à la manger avec un de ces petits pains qu'on appelle régence en Normandie. Tous les regards étaient tendus vers elle. Puis l'odeur se répandit, élargissant les narines, faisant venir aux bouches une salive abondante avec une contraction douloureuse de la mâchoire sous les oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenait féroce, comme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture, dans la neige, elle, sa timbale, son panier, ses provisions. Mais l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit « À la bonne heure, madame a eu plus de précautions que nous. Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout. » Elle leva la tête vers lui. « Si vous en désirez, monsieur. » « C'est dur de gêner depuis le matin, » il salua. « Ma foi, franchement, je ne refuse pas, je n'en peux plus. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas, madame ?» Et jetant un regard circulaire, il ajouta. « Dans des moments comme celui-ci, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. » Il avait un journal qu'il tendit pour ne point tacher son pantalon, et sur la pointe d'un couteau toujours logé dans sa poche, il enleva une cuisse toute vernie de gelée, la dépeça des dents, puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu'il eut dans la voiture un grand soupir de détresse. Mais Boule de Suif, d'une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation. Elles acceptèrent toutes les deux instantanément et, sans lever les yeux, se mirent à manger très vite après avoir balbutié des remerciements. Comudée ne refusa pas non plus les offres de sa voisine, et l'on forma avec les religieuses une sorte de table en développant les journaux sur les genoux. Les bouches s'ouvraient et se fermaient sans cesse, avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement. L'oiseau, dans son coin, travaillait dur, et à voix basse, il engageait sa femme à l'imiter. Elle résista longtemps, puis, après une crispation qui lui parcourut les entrailles, elle céda. Alors son mari, arrondissant sa phrase, demanda à leur charmante compagne si elle permettait d'offrir un petit morceau à madame l'oiseau. Elle dit « Mais oui, certainement, monsieur !» avec un sourire aimable, et tendit la terrine. Un embarras se produisit lorsqu'on eut débouché la première bouteille de Bordeaux. Il n'y avait qu'une timbale. On se la passa après l'avoir essuyée. Comudée, seule, par galanterie sans doute, posa ses lèvres à la place humide encore des lèvres de sa voisine. Alors, entourés des gens qui mangeaient, suffoqués par les émanations de nourriture, le comte et la comtesse de Brévis, ainsi que monsieur et madame Carré-Lamadon, souffrirent ce supplice odieux qui a gardé le nom de Tantale. Tout à coup, la jeune femme du manufacturier posa un soupir qui fit tourner les têtes. Elle était aussi blanche que la neige du dehors. Ses yeux se fermèrent, son front tomba. Elle avait perdu conscience. Son mari, affolé, implora le secours de tout le monde. Chacun perdait l'esprit, quand la plus âgée des bonnes sœurs, soutenant la tête de la malade, glissa entre ses lèvres la timbale de Boule de Suif et lui fit avaler quelques gouttes de vin. La jolie dame remua, ouvrit les yeux, sourit, et déclara d'une voix de mourante qu'elle se sentait fort bien maintenant. Mais, afin que cela ne se renouvelle plus, la religieuse la contraignit à boire un plein verre de Bordeaux, et elle ajouta « C'est la fin, pas autre chose !» Alors, Boule de Suif, rougissante et embarrassée, balbutia en regardant les 4 voyageurs restés à jeun, « Mon Dieu, si j'osais offrir à ces messieurs et à ces dames ?» Elle se tut, craignant un outrage. L'oiseau prit la parole. « Et parbleu, dans des cas pareils, tout le monde est frère et doit céder. » « Allons, mesdames, pas de cérémonie, acceptez, que diable !»« Savons-nous si nous trouverons seulement une maison passer la nuit ?»« Du train où nous allons, nous ne serons pas à Todd avant demain midi. » On hésitait, personne n'osant assumer la responsabilité du « oui ». Mais le comte trancha la question. Il se tourna vers la grosse fille intimidée et, prenant son grand air de gentilhomme, lui dit « Nous acceptons avec reconnaissance, madame. » Le premier pas seul coûtait. Une fois le Rubicon passé, on s'en donna carrément. Le panier fut vidé. Il contenait encore un pâté de foie gras, un pâté de mauviette, un morceau de langue fumée, des poires de crassane, un pavé de Pont-l'Évêque, des petits fours et une tasse pleine de cornichons et d'oignons en vinaigre, boule de suif comme toutes les femmes, adorant les crudités. On ne pouvait manger les provisions de cette fille sans lui parler. Donc on causa, avec réserve d'abord, puis, comme elle se tenait fort bien, on s'abandonna davantage. Mesdames de Bréville et Carré-Lamadon, qui avaient un grand savoir-vivre, se firent gracieuses avec délicatesse. La comtesse, surtout, montra cette condescendance aimable des très nobles dames qu'aucun contact ne peut salir et fut charmante. Mais la forte madame Loiseau, qui avait une âme de gendarme, resta revêche, parlant peu et mangeant beaucoup. On s'entretint de la guerre naturellement. On raconta des faits horribles des Prussiens, des traits de bravoure des Français, et tous ces gens qui fouillaient rendirent hommage au courage des autres. Les histoires personnelles commencèrent bientôt, et Boule de Suif raconta, avec une émotion vraie, avec cette chaleur de parole qu'ont parfois les filles pour exprimer leur emportement naturel, comment elle avait quitté Rouen. « J'ai cru d'abord que je pouvais rester, disait-elle. J'avais ma maison pleine de provisions, et j'aimais mieux nourrir quelques soldats que de m'expatrier je ne sais où. Mais quand je les ai vus, ces Prussiens, ce fut plus fort que moi. Ils m'ont tourné le sang en colère. J'ai pleuré de honte toute la journée. Oh, si j'étais un homme, allez !» Je les regardais par la fenêtre, ces gros porcs avec leurs casques à pointe, et ma bonne me tenait les mains pour m'empêcher de leur jeter mon mobilier sur le dos. Puis il en est venu pour loger chez moi. Alors j'ai sauté à la gorge du premier. Ils ne sont pas plus difficiles à étrangler que d'autres. Et je l'aurais terminé, celui-là, si l'on ne m'avait pas tiré par les cheveux. Il a fallu me cacher après ça. Enfin, quand j'ai trouvé une occasion, je suis partie, et me voici. On la félicita beaucoup. Elle grandissait dans l'estime de ses compagnons, qui ne s'étaient pas montrés si crânes, et comme Udet, en l'écoutant, gardait un sourire approbateur et bienveillant d'apôtre. Demain, un prêtre entend un dévot louer Dieu. Car les démocrates à longue barbe ont le monopole du patriotisme, comme les hommes en soutane ont celui de la religion. Il parla à son tour, d'un ton doctrinaire, avec l'emphase apprise dans les proclamations qu'on collait chaque jour au mur, et il finit par un morceau d'éloquence où il étrillait magistralement cette crapule de badinguer. Mais Boule de Suif aussitôt se fâcha, car elle était bonapartiste. Elle devenait plus rouge qu'une guigne, et, bégayant d'indignation, « J'aurais bien voulu vous voir à sa place, vous autres. »« Ça aurait été du propre. Ah oui. »« C'est vous qui l'avez trahi, cet homme. »« On n'aurait plus qu'à quitter la France si l'on était gouverné par des polissons comme vous. » Comme Udet, impassible, gardait un sourire dédaigneux et supérieur, mais on sentait que les gros mots allaient arriver, quand le comte s'interposa et calma, non sans peine, la fille exaspérée, en proclamant avec autorité que toutes les opinions sincères étaient respectables. Cependant, la comtesse et la manufacturière, qui avaient dans l'âme la haine irraisonnée des gens comme il faut pour la République, et cette instinctive tendresse qui nourrissent toutes les femmes pour les gouvernements à panache et despotiques, se sentaient, malgré elles, attirées vers cette prostituée pleine de dignité dont les sentiments ressemblaient si fort aux leurs. Le panier était vide. À 10, on l'avait tari sans peine, en regrettant qu'il ne fût pas plus grand. La conversation continua quelque temps, un peu refroidie néanmoins, depuis qu'on eut fini de manger. La nuit tombait. L'obscurité peu à peu devint profonde, et le froid, plus sensible pendant les digestions, faisait frissonner Boule de Suif malgré sa graisse. Alors madame de Bréville lui proposa sa chaufferette, dont le charbon, depuis le matin, avait été plusieurs fois renouvelé, et l'autre accepta tout de suite, car elle se sentait les pieds gelés. Mesdames Carré-Lamadon et Loiseau donnaient les leurs aux religieuses. Le cocher avait allumé ses lanternes. Elles éclairaient d'une lueur vive un nuage de buée au-dessus de la croupe en sueur des timoniers, et, des deux côtés de la route, la neige qui semblait se dérouler sous les reflets mobiles des lumières. On ne distinguait plus rien dans la voiture, mais tout à coup, un mouvement se fit entre Boule de Suif et Comme Udet, et Loiseau, dont l'œil fouillait dans l'ombre, crut voir l'homme à la grande barbe s'écarter vivement comme s'il eût reçu quelque bon coup lancé sans bruit. Des petits points de feu parurent en avant sur la route. C'était Todd. On avait marché 11 heures, ce qui, avec les 2 heures de repos laissées en 4 fois aux chevaux pour manger l'avoine et souffler, faisait 14. On entra dans le bourg et devant l'hôtel du commerce, on s'arrêta.